Thank you. I'm sorry. que ça passe avec le petit passage bizarre là. Attends, je suis monté de la batterie. J'ai enlevé le métronome. Ouais. Non, tu peux. Enfin, tu vois, c'est. Je sais pas si on peut le faire dans le. Tu vois. C'est le Z, le drum, là. Avec la télécaster va bien. Ça sent vraiment bouger là. We'll be right back. Thank you. bassiste. Thank you. un petit rythme. Je sais pas ce que je fais. Moi je suis en son clair là avec un le son. Bouge pas. Okay, c'est sympa.